visionary. J'ai ma lumière pour me guider dans les ténèbres. Trop de mots plein la tête. Musique avec une goutte d'acide chlorhydrique. Balancer la vérité, pouvoir dire ce que l'on pense. Monte le mensonge, trahison. Fais tes prières. Mauvais prix, contre rêve et cauchemar. Cette mascarade politique. L'histoire nous rappelle que nous ne sommes toujours pas libres. Survivant d'un monde post-apocalyptique. Trop de mots plein la tête. Musique avec une goutte d'acide chlorhydrique. Le pouvoir du langage est une richesse. L'art des délires pas. La tête, musique avec une goutte d'acide chlorhydrique. Balancer la vérité, pouvoir dire ce que l'on pense. Je refuse de vivre dans une cage à ciel ouvert. Toute cette tristesse, le rap est sous emprise. Nettoyeur de toute cette pourriture infâme. Je crache mon venin, monte le volume, monte le volume. C'est l'impasse, délire de vivre avec disgrâce.